إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله في الوقت الذي تعاني فيه الأمة ما تعاني من تسلط أعداء الله الكفار على بلاد المسلمين يعيذون فسادا وقتل وتدميرا من أعداء الله من الكفر ومن الملحدين وفي وقت الذي تكالبت فيه قوات الكفر على عقائد المسلمين تشويها وتنفيرا من هذا الدين الذي هو دين الرحمة والعدل والإحسان والخير للناس كافة وفي هذا الوقت الذي تمر به أمة الإسلام من ضعف وهوان من الناس في هذا الوقت وقبله تخرج علينا ثلة فاسدة وفئة ضالة لتزيد جراحا فوق جراحها تغمة فاسدة باع دنياها بآخرتها وسلمت عقولها للهوى وللشيطان وأفرحت أعداءنا من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر تلكم عباد الله هي الجرائم التي تقع في شتى بلاد المسلمين على يد عصابة ألفت منظر الدماء والأشلاء وحرمت بجهلها وظلمها كل عافية ونور وضياء فيا لله كم من نفوس معصومة قد قتلت وكم من أطفال ونساء قد روعوا وكم من مصالح قد عُتلت وكم من أعداء قد فرحوا بأفعال هؤلاء الضالين لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم حدثاء وأنهم يكفرون المسلمين ويرمونهم بالشرك بعدما قرأوا القرآن على جهل وفسروه بغير علم وأنهم لذلك يستحلون دماء المسلمين بل إنهم يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأوثان فها هي صفاتهم التي وصفهم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن كثيرا من أهل الأهواء والزيغ يلبسون على الناس في معنى الخارجي من هو وما هي صفاته ومتى يكون خارجيا فلنرجع إلى كلام علمائنا من أهل السنة بتحديد الخارجي بصفاته وخصاله قال ابن القاسم رحمه الله سمعت مالكا يعني الإمام مالك يقول رحمه الله: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجازهم عن ذلك. وقال الآجري رحمه الله: وقد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، ودعا للولاية بالصلاح، وحج معهم وجهد معهم كل عدو للمسلمين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه وطاعة، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطيعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يعين على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال اللالكائي مقررا عقيدة أهل السنة وناقلا هنا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات خارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه من أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة والطريق. فسأل الآن أولئك الخارجي الذين يزعمون أن المسألة خلافية، هل يعد بعد هذا العرض من ينتحل الخروج ويعتقد هل يعد من أهل السنة؟ قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فقال رحمه الله تعالى: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة عن سهل رحمه الله تعالى. وفي الخصال 10: لا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. فإن زاعم أن الخلاف وارد في هذا الأمر، فإنه يقال له: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر قد استقر بعد ذلك على المنع من الخروج، وكما في منهاج السنة عندما قال: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ها هم يكفروننا ويكفرون حكامنا، ولذلك يستحلون دماءنا ودماء جنودنا، ويشترون بذلك الجنة بزعمهم. لا تعجب حين تراهم يقتلون المسلمين، بل ويقتلون المصلين في المساجد. فأسلافهم من قبل اجتمعوا في النهروان لقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم، بعدما قتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقروا بطن امرأته الحامل وقتلوا جنينها، وقد قتلوا علي رضي الله عنه وهو خارج إلى الصلاة الفجر، وأصابوا معاوية رضي الله عنه بضربة بالسيف في صلاة الفجر، وقتلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه في صلاة الفجر، بل وعدوها هذه الخطة كلها في المسجد الحرام في رمضان. ورجع الصحابي الكريم عبارة بن قرص رضي الله تعالى عنه من الغزوة حتى بلغ قريب من الأهواز، فسمع آذانا، فلما جاء للجماعة يريد أن يصلي معهم إذا هم قوم من الخوارج، فلما رأوه قالوا: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: ما أنتم بإخواني؟ قالوا: أنت أخو الشيطان، والله لنقتلنك. قال: أما ترضون مني ما رضي به مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما رضي منك؟ قال: أتيته وأنا كافر، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فخل سبيلي وأعلن إسلامي، فلم ينفع فيهم هذا الكلام، بل ذبحوه وقتلوه رضي الله عنه. عباد الله، ما زال هؤلاء الخوارج ينهشون في جسد الأمة ويفتكون بالأبرياء والمعاهدين والمستأمنين، ويروعون المسلمين المصلين، ويقتلون رجال الأمن الذين يبيتون على حراسة الأمة ونشر الأمان، فنفوسهم قد ألفت الغدر والخيانة والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يقومون به من الدين ومن الجهاد في سبيل الله. أفلا تعلمون يا عباد الله أن أفعالهم هذه ليست من الدين في شيء، والجهاد منهم بريء، بل عملهم من أكبر المحرمات في دين الله، فقد جمعوا في أعمالهم الشنيعة كثيرا من المحرمات والمنكرات، من ذلك ما يحصل من سفك للدماء المعصومة كنفس المسلم أو كنفس الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن. يقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، كما رواه البخاري رحمه الله. وفي أفعالهم شق لعصاة الطاعة ومفارقة للجماعة وخروج على ولاة الأمر، وهذه من كبائر الذنوب. فكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. ومن أفعالهم المنكرة إغفال ذمة أولي الأمر وذمة المسلمين، وهذا قد ورد اللعن فيه، ومعناه نقض العهد الذي أعطاه ولي الأمر لأحد من الكفار، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل. ومن المنكرات التي يفعلونها الافتراء على الله بأن هذا العمل من الدين، وهو ليس من الدين في شيء، بل مصادم لدين الإسلام. وفي أفعالهم زعزعة للأمن في بلاد المسلمين وغير المسلمين، وفيه تشويه لسورة الإسلام والمسلمين. حيث يظن من كان يريد الدخول في الإسلام من الكفار بأن هذا العمل وهذه الأخلاق من الغدر والخيانة يظنونها من الإسلام، فيفرون منه، ويجد الحاقدون من الكفار مسوغا للطعن في ديننا ومنع دعاتنا من دخول بلدانهم ودعوة الناس إلى الخير، فأفعال هؤلاء كانت سبب للصد عن دين الله، ومفاسد هؤلاء الخارجين والمحرمات التي يرتكبونها كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، كالكذب والتزوير والغش وعصيان الوالدين وحرب العلماء والطعن عليهم وغير ذلك. عباد الله، إن خطر هؤلاء الخوارج على الإسلام والمسلمين عظيم، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم أشد التحذير، وتبعه على ذلك صحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف جميعا. فمن ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما من ذئبي هذا، يعني من نسلي وأتباعي ذو الخويسرة، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بل حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم، ويكون ذلك للإمام ومن يوليه عن ذلك على ذلك، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. ووردت حديث كثيرة بأنهم شر الخلق والخليقة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حلاقلهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فلا يغرك يا عبد الله ما يتزينون فيه من الصلاح ودعوة الجهاد والاستقامة وإنكار المنكر وإقامة الحدود، فقد ذكر لابن عباس الخوارج واجتهادهم وصلاحهم، فقال رضي الله عنهما: ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، ولا يحزن أهل من قتل له قتيل من رجال الأمن أو غيره على يد هؤلاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الشهداء وبشرهم بالجنة. فلتصدها لهؤلاء عباد الله بالسيف واللسان والجهاد الحقيقي، فمن قتله فهو شهيد بإذن الله. عباد الله، إن من أسباب ضلال هؤلاء هو تركهم لزوم غرز العلماء والابتعاد عنهم، لذلك تجدهم يطعنون في أهل العلم الموثوقين، واتخذوا رؤوسا جحالا يفتونهم بغير علم عبر المواقع المشبوهة وغير ذلك. فاحذروا يا عباد الله من هؤلاء ومن دعاتهم وكتبهم ومواقعهم، وحسن نفسك بلزوم العلماء، وتعلم العلم النافع الصحيح، وانتبه لأبنائك وصحبته، فهؤلاء الخوارج خطرهم كبير، كف الله الإسلام والمسلمين شرهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أقول ما استسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et ne suivez pas vos passions ni la voie des innovateurs, car toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, pendant que la communauté musulmane est confrontée aux différents affronts de la part des ennemis d'Allah, parmi les mécréants contre les pays musulmans, en les détruisant ou en y semant le mal, pendant que les nations mécréantes se sont regroupées contre les croyances des musulmans, en dénigrant l'islam et en tentant de faire fuir les gens de cette religion, qui est la religion de la miséricorde, de la justice, de la bonté et le bien pour toute l'humanité. Pendant que la communauté musulmane est en état de faiblesse, dû au fait que les musulmans se sont écartés de la croyance authentique et de la voie prophétique, pendant tout ce temps, ainsi qu'avant, sort un groupe égaré et semant le mal et les troubles afin de rajouter des blessures sur les blessures de la communauté musulmane. Ce groupe égaré, ayant offert leur raison à leur passion et au diable, rendant heureux nos ennemis parmi les juifs et les chrétiens et ceux qui ne cherchent qu'à discréditer l'unique religion d'Allah le Très-Haut. Et sachez que ce qui se passe actuellement dans les différents pays musulmans est dû à l'égarement de ce groupe du diable. Combien donc d'âmes innocentes furent tuées par ces égarés? Combien d'enfants s'est retrouvés orphelins? Et combien de femmes ont perdu leur dignité? Et combien d'ennemis se sont réjouis de l'agissement de ces égarés? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij comme étant des jeunes innovateurs qui rendent mécréants les musulmans en les accusant de pratiquer du polythéisme après que ces égarés ont lu le Coran avec ignorance et en l'interprétant sans science et sans retourner à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. C'est pour cela qu'ils rendent licite le sang des musulmans. Et sachez, mes frères, que si ces individus rendent licite le sang des musulmans, ceci implique qu'ils rendent aussi vos femmes licites pour eux. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également mentionné que ces khawarij sont les chiens de l'enfer et qu'ils tuent les gens de l'islam et délaissent les adorateurs d'idoles. Voilà donc une partie de leur description par notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit n'est qu'une révélation d'Allah, le Très-Haut. Il y a beaucoup de personnes parmi les gens qui suivent leur passion, ainsi que les égarés, qui tentent de tromper et d'égarer les gens concernant la signification du khariji. Khariji, c'est le singulier de khawarij en arabe. En effet, certains ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants en arrivent même à dire que les khawarij n'existent plus, mais que les khawarij sont uniquement ceux qui se sont rebellés contre les gouverneurs qui appliquent la loi d'Allah sur terre. Par cette parole, ils ont rendu mécréants de nombreux pays musulmans, si ce n'est tous les pays musulmans, et les gouverneurs de ces pays, en suivant l'égarement de cet écrivain innovateur, Sayyid Qutb, qui a revivifié l'esprit du takfir, ainsi que la secte des Khawarij, et l'une des têtes des Mubtadi'a, l'un de ces gens de l'innovation, ce prédicateur aux portes de l'enfer, du nom de Abu Muhammad al-Maqdisi, en est arrivé à écrire dans son livre « Thamaratul Jihad » Toute la vie aujourd'hui est une maison de mécréance, Dar Kufr, même la Mecque et Médine. Voilà leurs écrits. Voyez donc l'égarement de cet innovateur. Quand l'individu donc est-il considéré comme un khariji? Retournons donc aux paroles de nos savants de la Sunna afin de comprendre les attributs et les caractéristiques de ces khawarij. Ibn al-Qasim, rahimahullah, dit « J'ai entendu Malik, yani l'imam Malik, dire Rahimahullah. Il y a des peuples qui se sont adonnés à l'adoration et ont délaissé la science légiférée. Ils sont donc sortis avec leur épée contre la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que s'ils avaient suivi la science légiférée, celle-ci les aurait interdit de faire cela. L'imam al-Ajuri, rahimahullah, a dit: j'ai déjà rappelé la mise en garde contre la voie des Khawarij pour ceux dont Allah le Très-Haut les a préservés et protégés contre le suivi de la méthodologie des Khawarij. Celui qui n'est pas de leur avis, mais patiente face aux injustices des gouverneurs, ne se rebellant pas contre les gouverneurs avec leur épée, et qui invoque Allah le Très-Haut pour que l'injustice contre les musulmans cesse, et qui prie derrière ses gouverneurs durant les prières du vendredi, ainsi que les prières des deux Aïd, et qui invoque en faveur du gouverneur pour que celui-ci se corrige, et il fait le pèlerinage avec le gouverneur et fait le jihad aux côtés du gouverneur contre les ennemis de l'islam, et que si ces gouverneurs lui ordonnent de lui obéir, il leur obéit au mieux qu'il peut, mais s'il ne peut pas, il s'en excuse. Et si ces gouverneurs lui ordonnent de commettre un péché, alors il ne les obéit pas. Et si les troubles et les problèmes entre eux apparaissent, alors il reste chez lui, retient sa langue et sa main, et il n'aide en rien ni personne le déroulement des troubles et des problèmes. Donc quiconque a ces caractéristiques, il est alors sur le droit chemin, incha'Allah. Fin de la citation de l'imam al-Ajuri, rahimahullah. Al-Lalaka'i, rahimahullah, en décrivant la croyance des gens de la sunnah, en transmettant ce que l'imam Ahmed, imam al-Sunnah, rahimahullah, a dit: quiconque se rebelle contre un des gouverneurs des musulmans, alors que les gens lui ont accordé les pouvoirs, et ceci de n'importe quelle façon, que ce soit par agrément du peuple ou par force, alors celui qui se rebelle contre ses gouverneurs est un khariji qui a contredit ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si cet individu meurt en état de rébellion contre le gouverneur, il meurt donc une mort pré-islamique, jahiliya, comme si qu'il n'a jamais connu l'islam. Il est donc strictement interdit, c'est la suite de sa parole, il est donc strictement interdit de combattre le sultan ou de se rebeller contre lui de part de n'importe quelle personne. Mais qui le fait? Il est alors un innovateur qui n'est pas sur la sunna ni sur la voie prophétique. Donc, si aujourd'hui des individus tentent de tromper les gens en leur disant qu'il y a des divergences concernant la définition des Khawarij, celui donc qui se rebelle contre le gouverneur et contre les musulmans, peut-il être considéré comme faisant partie des gens de la sunna? Eh bien, il fut demandé à Sahl ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah, quand l'individu sait lorsqu'il est sur la sunna et le consensus? Il répondit en disant: s'il possède en lui ces 10 caractéristiques, il ne délaisse pas le groupe des musulmans, il n'insulte pas les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah soit satisfait de tous, il ne sort pas avec son épée contre la communauté de l'islam, il ne sort pas avec son épée contre la communauté de l'islam, il ne dément pas le destin, il ne doute pas dans la foi, il ne dispute pas dans la religion, il ne délaisse pas la prière mortuaire parmi les gens de la Qibla qui meurent sur des péchés, il ne délaisse pas le fait d'essuyer sur les khoffein, c'est les pantoufles qui sont en cuir qui dépassent la cheville, lorsqu'on peut faire des ablutions, le mesh dessus, s'essuyer. Il ne délaisse pas le fait d'essuyer sur les khoffein. Il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur injuste et mauvais. Et il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur juste. Al-Lalaka'iyu, rahimahullah, a rappelé cela dans son livre « Explication des fondements des gens de la sunna ». Dans le premier volume de la page 183, « Si ces égarés savent lire l'arabe ». Et parmi ces 10 caractéristiques, il y a le fait de ne pas sortir avec son épée contre les musulmans et qu'il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur injuste ainsi que derrière celui qui est juste. Donc si ces khawarij persistent à justifier leur égarement en mentant notamment sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, eh bien sachez donc ce qu'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ce qui a été clarifié, c'est l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs. Dans Minhaj Sunna, il a également dit, dans le volume 3, à la page 391, ce qui est connu et clair dans la voix des gens de la Sunna et qui n'autorise pas le fait de sortir contre les gouverneurs et de les combattre avec l'épée. Et cela, même si ces gouverneurs commettent des injustices, comme cela a été rapporté dans les narrations authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le mal et les troubles découlant du fait de les combattre, est beaucoup plus énorme que la corruption engendrée de par les injustices des gouverneurs sans combat. Voyez donc ces khawarij nous rendant mécréants et rendant mécréants nos gouverneurs. C'est pour cela qu'ils ont rendu licite le sang des musulmans et le sang de l'armée et de la police dans les pays musulmans. Ne sois donc pas surpris sur le fait qu'ils tuent les musulmans, dans la mosquée pendant la prière. Sachez que leurs prédécesseurs se sont réunis à Nahrawan pour combattre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils les ont rendus mécréants après qu'ils ont tué Abdallah ibn Khabbab radiyallahu anhu, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont ouvert le ventre de sa femme enceinte, ont sorti le fœtus et l'ont tué. Ils ont tué Ali radiyallahu anhu alors qu'il se dirigeait pour la prière du Fajr. Ils ont blessé Muawiyah radiyallahu anhu en le frappant avec leur épée lors de la prière du Fajr. Ils ont tué Amr ibn al-As radiyallahu anhu lors de la prière du Fajr. Ces khawarij ont planifié tout cela à la mosquée sacrée pendant le mois de Ramadan. Ubayd ibn Qursin radiyallahu anhu, qui était le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rentrait d'une bataille, puis il entendit l'appel à la prière. Il se dirigea donc pour rejoindre le groupe de la prière. Mais il s'avérait que c'était des khawarij qui, lorsqu'ils l'ont vu, lui ont dit « Que veux-tu, ennemi d'Allah ? Ces innovateurs et ces égarés parlent aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent « Que veux-tu, ennemi d'Allah ?» Il répondit « N'êtes-vous pas mes frères ?» Ils lui dirent alors « Toi, tu es le frère du diable. Par Allah, nous te tuerons. » Il dit donc, n'acceptez-vous pas de moi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté de moi ? Ils dirent, et qu'a-t-il donc accepté de toi ? Il répondit, j'étais venu le voir alors que j'étais mécréant. J'ai alors attesté que nulle divinité ne mérite l'adoration toute vérité excepté Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il m'a alors épargné et a affirmé mon islam. Cependant, tout ce qu'a dit ce compagnon n'a rien changé, car ils l'attrapèrent et l'égorgèrent. Qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ces khawarij sont toujours présents en tuant les innocents, ceux qui sont sous impact, ceux qui ont reçu la sécurité d'un musulman. Ils tuent également les musulmans, ainsi que ceux qui assurent la sécurité dans les pays musulmans. Les âmes de ces khawarij s'est adonné et s'est habitué à la traîtrise, à la lâcheté, au mensonge sur Allah et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent que leur désordre, leur meurtre, leur crime, leur boucherie, tout leur égarement fait partie de l'islam, alors que tout ce qu'ils font est en totale opposition avec l'islam. Et tous leurs actes n'ont absolument rien à voir avec l'islam, la religion d'Allah le Très-Haut. Ils ont regroupé dans tout leurs mauvaises œuvres énormément d'interdits et de choses détestables. Parmi cela, il y a le fait de répandre le sang du musulman ou du mécréant qui est sous impact ou celui qui a reçu la sécurité. Quiconque tue quelqu'un sous impact ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur se trouve à une distance de 40 années. Quiconque tue quelqu'un sous impact, ce touriste qui va dans nos pays musulmans, hein ? Ceux qui ne sont pas musulmans, qui rentrent dans nos pays musulmans, ceux-là, ils sont sous impact, car ils ont reçu une autorisation du gouverneur. Donc celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se trouve à une distance de 40 années, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et parmi leurs actions, il y a le fait de se séparer de la jama'a, en retirant le pacte d'allégeance au gouverneur et en se rebellant contre eux. Et cela fait partie des grands péchés, comme cela fut rapporté selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque sort contre l'obéissance du gouverneur et se sépare du groupe de la jama'a et qu'il meurt dans cet état, Il meurt d'une mort pré-islamique. Et quiconque combat sous une bannière aveugle, qui s'énerve pour du partisanisme ou sectarisme, ou invite à du partisanisme, ou supporte le partisanisme, et qu'il se fasse tuer dans cet état, il se fait tuer comme étant mort pré-islamiquement. Et quiconque sort contre ma communauté, en frappant parmi les pieux et les mauvais de ma communauté, et qu'il rompt des pactes, il n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. Comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih. Ta carte d'identité, ta carte de résidence, le fait que tu sois dans un pays non musulman, tu as reçu une autorisation. Ceci est un pacte entre toi et ce gouvernement non musulman. À toi de respecter ce pacte, car si tu romps ce pacte-là, tu entres dans cette menace. Et sachez, comme les savants de l'islam et de la sunna ont dit, les ambassades qui sont de nos pays d'origine, qui sont implantées dans les pays musulmans, ceci est un pacte entre nos gouverneurs musulmans et ces pays non musulmans. Donc il t'est interdit de rompre ces pactes-là. Parmi les choses détestables qu'ils font, c'est le mensonge sur Allah et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant que leur boucherie et leur égarement fait partie de la religion, alors que cela ne fait en rien partie de la religion, mais c'est en totale opposition avec la religion de l'islam. Parmi leurs actions, c'est d'instaurer l'insécurité dans les pays musulmans et non musulmans, et par cela, ils donnent une très mauvaise image de l'islam, jusqu'à ce que celui qui aimerait entrer dans l'islam, mais voit toutes leurs actions, il penserait que la traîtrise, le mensonge, la lâcheté et tous ces mauvais comportements font partie de l'islam. Ils se mettraient donc à fuir l'islam. Et tout cela n'est qu'une opportunité aux ennemis de l'islam afin de dénigrer l'islam et de causer du tort aux musulmans. Donc, toutes leurs actions qu'ils font, ces khawarij, peu importe leur nom, ils se différencient de nos jours. Toutes leurs actions n'est en fait qu'une obstruction dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et parmi leurs égarements, il y a de très nombreux péchés tels que le mensonge, la traîtrise, la désobéissance aux parents, les insultes contre les grands savants de la sunna, etc. et etc. Aux serviteurs d'Allah, le danger de ces khawarij sur l'islam est imminent. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux, ainsi que les compagnons et tous les pieux prédécesseurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij, comme dans le hadith rapporté par Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, de cet homme-là, de Dhul Khuwaysira, celui qui a commencé à se rebeller contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De cet homme-là sortira des gens dont vous sous-estimerez votre prière comparée à la leur. Ils réciteront le Coran, mais ne dépassera pas leur gorge. Ils quitteront la religion telle la flèche quitte son arc. Si je les atteins, lorsqu'ils apparaîtront, je les abattrai tel que le peuple de Had fut abattu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les pires tués sont leurs tués, et ils sont les pires tués sous la voûte des cieux. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont les chiens de l'enfer, et qu'ils quitteront la religion telle la flèche quitte son arc. Ils ne retourneront pas à la religion jusqu'à ce que la flèche retourne à l'arc. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a dénommés les chiens de l'enfer. Et il a mentionné, ils apparaîtront chaque siècle. Et à chaque fois qu'ils apparaissent dans un siècle, ils seront coupés jusqu'à apparaître parmi eux le Dajjal, l'antéchrist. Donc, n'écoutez pas ceux qui dénigrent les savants de la sunna afin de les tourner vers des ignorants qui font leur fatwa et les égarent. Prenez garde des sites internet et tous ceux qui supportent de près ou de loin ces khawarij. Car si vous supportez ces gens-là, sachez que vous recevez la malédiction d'Allah Azza wa Jal, tel que cela fut rapporté dans le hadith authentique. Selon Ali radi Allahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La'ana Allahu man awa muhditha. Allah a maudit celui qui supporte un innovateur. Car le musulman se doit d'être clair dans la voie prophétique et il ne doit avoir aucun doute que nous estimons que les actes de terrorisme sont en totale contradiction aux enseignements de l'islam. Qu'ils soient effectués dans l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou en Afrique, au Moyen-Orient, ou en Extrême-Orient, peu importe dans le monde, il n'existe aucune preuve